ADA Audio vous présente Ho'oponopono, miracle quotidien, de Laurent de Backer. À la narration, Laurent de Backer et Caroline Boyer. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance. Exercice de méditation pour pratiquer Ho'oponopono, la relaxation. Il est important de commencer une séance de nettoyage par un moment de relaxation, car cela permet de se couper de l'extérieur et de mettre nos pensées sur pause. Mais surtout, de rassembler le mental, le subconscient, le moi supérieur et le divin en un même endroit. Celui où l'effacement des mémoires se fera, avec l'accord de chacune de ces parties de notre être qui sont impliquées. Et c'est aussi grâce à cette relation que vous réunirez les énergies de repentir, de pardon, de gratitude et d'amour qui sont les ingrédients essentiels à votre nettoyage. Aussi, je vous invite à ne pas négliger cette plage et à vous en servir systématiquement avant de débuter votre séance. Je vous conseille de vous installer confortablement dans la position assise afin de diminuer les risques d'endormissement. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé, ni par le téléphone, ni par les notifications d'un appareil quelconque, et encore moins par une tierce personne. Pour commencer, fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Continuez. Sentez l'oxygène affluer dans votre corps. À chaque respiration, votre esprit se calme un peu plus. Vous vous éloignez peu à peu de votre quotidien, en vous focalisant uniquement sur votre respiration. La paix vous envahit progressivement, alors que votre esprit se sent libre et apaisé. Sentez cette douce chaleur qui s'empare de vos pieds. Ils se relaxent de plus en plus. Ils sont légers, comme si vous étiez en apesanteur. Continuez de respirer profondément. À chaque inspiration, cette douceur progresse dans votre corps et vous vous abandonnez à elle. Vos mollets se relâchent, puis ce sont vos cuisses. Toutes les tensions disparaissent. Votre bassin est détendu, ainsi que vos muscles fessiers. Vous vous sentez léger. Cette vague de bien-être progresse en remontant dans votre abdomen et le bas de votre dos. Puis votre poitrine, vos poumons, votre plexus solaire. Sentez-la irradier en vous. Votre cou, votre gorge et l'ensemble de votre colonne vertébrale sont relâchés. Il n'y a plus aucune tension en vous. Les muscles de votre bouche sont relâchés. Vos paupières sont légères, ainsi que votre crâne et vos tempes. Voilà, vous êtes à présent détendu. Continuez à respirer profondément pendant que vous parcourez votre corps avec lequel vous êtes en parfaite symbiose. Visitez-le. Promenez-vous dans chaque parcelle de vos organes. Sentez-vous libre d'aller où bon vous semble, simplement en déplaçant votre conscience, votre bouche, vos poumons, votre gorge, votre foie, vos intestins. N'hésitez pas à vous rendre dans vos jambes, vos cuisses, vos mollets ou vos pieds. Entrez dans n'importe quelle cellule qui vous compose, si minuscule soit-elle. À présent, déposez toute votre attention sur l'hémisphère droit de votre cerveau si vous êtes droitier et le gauche si vous êtes gaucher. C'est là qu'est le siège de vos émotions, de votre créativité et des souvenirs de votre passé, mais aussi de vos mémoires. Promenez-vous en lui. Visitez-en chaque recoin. Observez les neurones de votre cerveau se déplaçant à une allure vertigineuse. Scrutez les synapses et les impulsions électriques qui transmettent toutes les informations de votre mental à votre corps. Entrez dans la partie de votre hémisphère qui vous semble être l'endroit précis où sont logés vos souvenirs. Contemplez-la calmement, avec douceur et bienveillance. Restez en elle un moment et considérez-la comme une amie avec laquelle vous faites la paix. Envoyez-lui de belles pensées, remplies d'amour et de compassion. Maintenant, sortez tranquillement de votre cerveau en conservant ces sentiments de relaxation, mais aussi de paix et de bien-être envers vous-même. Et dirigez-vous vers votre cœur. Visitez-le. Promenez-vous en lui. Sentez le sang de la vie passer à travers lui. Ressentez tout l'amour qu'il contient, que ce soit votre amour conscient, celui de votre moi supérieur ou bien celui du divin qui est en vous. Gorgez-vous et faites provision de tout cet amour. Sentez-vous baigné par lui. Laissez-le inonder votre vie. Ouvrez-vous à lui et à tout ce qu'il vous apporte à chaque instant. Voyez votre cœur grossir de plus en plus et avec lui, tout le bien-être et l'amour qui sont en lui. À présent, tracez un faisceau d'une belle énergie blanche et scintillante partant de votre cœur et allant jusqu'à l'hémisphère de votre cerveau que vous avez visité il y a un instant. Cette lumière est un nouveau chemin neuronal qui relie désormais votre cœur, votre esprit, votre moi supérieur et le divin qui est en vous jusqu'à votre mental. Ils sont maintenant en harmonie, afin de travailler ensemble pour votre plus grand bénéfice. Prenez un instant pour ressentir cette paix et cet équilibre qui règnent en vous et qui vous permettront de réaliser des nettoyages puissants dès maintenant. Mais avant cela, j'aimerais que nous disions ensemble, à haute voix, la prière que nous a léguée Morna Simeona. Elle servira de ciment à la réunification de toutes les parties qui sont en vous et que nous venons de réaliser. Mais elle permettra aussi aux mémoires que vous allez traiter dans un instant d'être beaucoup plus perméables à l'énergie de Ho'oponopono qui les dissoudra dès que vous entamerez votre nettoyage. La voici pour vous.